le cours de Michelet est notre grand champ de bataille. Tous les jeudis, on monte vers le Collège de France. Je sais bien que Michelet est des nôtres et qu'il faut le défendre. Un matin, une rumeur court le quartier. On a interdit le cours Michelet. Nous l'apprenons à l'hôtel Mouton. On sait que l'hôtel est républicain. On vient nous trouver. Que faire? Que dit Matoussin? Et vous, Vintra? Que faire? Mais protester, parbleu! À qui enverra-t-on la protestation? On ira la porter à la chambre. L'idée m'est venue tout d'un coup. Elle fait sensation. Oui, oui. Je finis par écrire. Les sous-signés protestent au nom de la liberté de pensée et de la liberté de parole contre la suspension du cours du citoyen Michelet et chargent les représentants du peuple auxquels ils transmettent cette protestation de la défendre à la tribune. Ceux qui ont une belle main copient des exemplaires de la protestation. Il y eut même une crèmerie sur laquelle on ne comptait pas qui vint et demanda à avoir des feuilles. Mercredi. Aujourd'hui la manifestation. L'on est déjà une cinquantaine devant l'école de droit. Nous arrivons sur la place Bourgogne. Dans la chambre, on s'est ému de ce qui se passe sur la place. D'ailleurs, nous avons fait demander des députés républicains. Il n'en vient pas, sauf l'avocat Crémieux. Il pleut trop. Ils veulent bien mourir fusillés, mais pas noyés. Les feuilles réactionnaires se sont amusées et baptisé cette manifestation la manifestation des parapluies. Suite à une nouvelle manifestation en faveur du Michelet, 70 manifestants sont arrêtés, parmi lesquels Matoussin, qui sera le seul à ne pas être relâché tout de suite. Mais la bande a fait la connaissance avec un béret rouge, très actif lors de la manifestation. Le béret rouge s'appelle Renoul. Son père est un professeur de faculté de province qui connaît Béranger. Gloire dont le fils a le reflet auprès de ses camarades, mais qui ne m'éblouit pas assez, paraît-il. Le cœur de Renoul a déjà battu, le mien aussi, mais en garni. Celui de Renoul bat dans ses meubles, et ses meubles sont époussetés, cirés, vernis, par la main d'une compagne avec laquelle il vit depuis qu'il est à Paris. Ils sont dans leurs meubles. Un béret rouge dans la rue, chez lui, une douillette. Que signifie ce double masque? Cependant, la stupeur fait place à la réflexion, et à l'inquiétude que donne la douillette succède même en y pensant une sorte de respect pour ce jeune républicain qui, ayant des meubles et une robe de chambre, ne craint pas de se lancer dans la mêlée tout comme un autre. Je n'ose pas dire qu'il ne me reste pas un peu de défiance, mais je sens, au fond de mon cœur d'homme, une certaine envie de cette existence tranquille et claire dans un appartement dont on est le maître, dont on a la clé, où l'on est roi. Madame Renoul trouve que nous faisons un peu de bruit, mais nous l'amusons quelquefois. Le pli est pris, tous les soirs on vient discuter, crier et moudre. On verse, on sirote, on fume, on rit, puis l'on se remet en colère et l'on remonte sur les chaises, comme à la tribune. J'ai eu du bonheur de tomber sur ce béret rouge. Il faut lancer un journal. Ce mot, un jour, a traversé l'espace. « Nous n'avons donc rien, là !» cria Matoussin. Il frappe en même temps sur son cœur. « Tu vas casser ta pipe. Il faudrait peut-être aussi quelque chose ici. » Je tape sur mon gousset. « Bourgeois, va !» Je suis un adorateur du veau d'or. Je me défends comme je peux. Je ne parle pas pour moi. Ma plume, on le sait, est au service de la Révolution. Mais l'imprimeur, est-ce qu'on trouvera un imprimeur? Je suis mis à l'index pour toute la soirée et quand on verse le café, je n'en ai qu'une toute petite goutte. Eh bien oui, j'ai eu tort. L'imprimeur s'appelle « Fais ce que doit » ou « Va de l'avant ». J'ai eu tort. Il faut d'abord agir et ne pas jeter des bâtons dans les roues du char qui porte la révolution. On a retrouvé du café sur ma déclaration. Mon aveu m'a raccommodé. Donc, il n'est plus question de l'imprimeur. Ce n'est pas moi qui en parlerai. Il n'est question ni de l'imprimeur, ni du papier, ni du cautionnement. Il est décidé qu'on fera un journal, qu'on aura un organe. Voilà tout.